Leçon 4, exercice 62. Exprimer ses doutes ou ses certitudes à propos. Exemple. De l'amélioration de la situation. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la situation s'améliore. À vous. Du combat pour la survie de certaines langues. Il faudra que nous... Il faudra que nous combattions pour la survie de certaines langues. De la façon de parvenir à une meilleure compréhension entre les peuples. Je doute que... Je doute que nous parvenions à une meilleure compréhension entre les peuples. De l'obligation de travailler plus longtemps. Je n'aimerais pas que... Je n'aimerais pas que l'on soit obligé de travailler plus longtemps. Du mauvais usage qu'il ait fait des richesses de la planète. Il est regrettable que... Il est regrettable que l'on fasse un mauvais usage des ressources de la planète. De l'insuffisance de la protection de la vie privée. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que l'on protège suffisamment la vie privée.